Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Quand on lui demandait « Alors Karl, c'est quoi tout ça ?» Karl Marx said to him, it's struggle. Il disait « C'est la lutte. » Karl Marx said, it's struggle. C'est la lutte. And it is struggle. The struggle is eternal, but it's like the sea. C'est vrai que c'est la lutte. It goes out and it comes back in again. La lutte est éternelle. C'est comme la mer. Elle s'en va et elle revient. You have to keep il faut continuer de lutter tout le temps, pour tout. Our mentality in the mines. C'était notre mentalité dans les mines. So we could go a mile sometimes and then hit solid rock. On creusait parfois un kilomètre pour se taper de la pierre. But we'd start again. C'était dur, c'était un travail difficile, mais on recommençait. You have to restart the struggle all the time. Il fallait tout le temps recommencer, c'est une lutte. Struggle. And it's struggle, that's what life is, struggle. You have to struggle, you have to fight. Et c'est ça la vie, il faut lutter, il faut se battre. Karl Marx, l'inconnu. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. You can see the steel in his eyes. Dans ses yeux, il a une volonté d'acier. You can see that he's a fighter. De quelqu'un qui se bat et qui a des principes. Because his principle is above everything, his humanity. Qui croit en l'humanité. So I see him as a great humanitarian, a great thinker, a great teacher. C'est un grand humaniste, un grand penseur et un grand professeur. When we grew up, me and John, we all worked hard in this area. Everybody had basically worked, but we didn't have anything to show for it. Quand on était enfant avec John, tout le monde travaillait dur, mais on n'avait rien en retour. I always say the people say. If you work hard, you'll get your reward. You'll get this. It's not true. On dit si tu travailles dur, tu seras récompensé, mais c'est pas vrai. We've been robbed. We've always been robbed. On nous vole. On nous a toujours volé. Everything that goes with the oppressive capitalist system, we've lived it. Tout cela, tout ce système d'oppression capitaliste, on l'a vécu. So we know about Marx, all right? Marx, on connaît. Quatrième partie, dans l'antre du capital. Londres en 1850, c'est le cœur de l'empire le plus puissant et le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Londres en 1850, ce sont tous les extrêmes de ces grandes capitales qui vont dominer le monde. Londres, c'est les faubourgs, l'East End, les quartiers crasseux, les quartiers pauvres, et aussi les quartiers riches, infiniment riches. Karl Marx, quand il arrive à Londres, il est devenu apatride. Il n'a plus de patrie. C'est cette Londres-là qui est le cœur de tous ces réfugiés, et le cœur notamment de ces exilés allemands. Lorsque les Marx arrivent à Londres, ce sont des réfugiés. Personne ne veut d'eux. Ils ont été expulsés de France puis de Belgique. Et Marx est considéré comme un terroriste. C'est un homme recherché. Ils échouent à Londres. Rachel Holmes. Ils passent leur nuit dans des pensions, des bed and breakfast. Ils doivent partir souvent sans payer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Marx keeps running out of money. Marx n'a pas assez d'argent pour payer leur loyer. Ils doivent donc filer à l'anglaise, comme on dit. Faire leurs valises au milieu de la nuit et décamper. Qui plus est, ils ont maintenant des bébés. Après avoir changé plusieurs fois d'adresse et pris la fuite à plusieurs reprises, et après que Jenny a mis une partie de ses affaires au Monde Piété pour payer ce qu'il devait, Marx et Jenny trouvent un petit deux pièces dans Dean Street. L'Empire est immense, l'Empire de la Reine Victoria. Et Londres, à cette époque-là, va accueillir donc l'exposition universelle dans un palais qui va être fabriqué pour l'occasion, un palais tout en verre, tout en cristal et tout en fer. Dans ce palais de cristal qui incarne l'avancée scientifique, qui incarne le génie anglais, on trouvera aussi bien des éléphants avec toute leur broderie incroyable, des éléphants qui viennent d'Inde, qu'un immense bloc de houille de 14 ou 15 tonnes qui représente cette révolution industrielle. Les usines, la production de vapeur, cette mécanisation du monde, elle est rendue possible grâce au charbon et grâce à la houille. Londres, à l'époque, c'est la plus grande ville du monde. Fabrice Ben Simon. C'est quasiment 3 millions d'habitants. C'est une ville un peu tentaculaire qui concentre toutes les industries, qui est une ville avec d'immenses richesses créées en particulier par le port à Londres, par l'activité du port et les industries qui sont liées au port. Karl Marx était fasciné par la révolution industrielle. Sébastien Spitzer. Karl Marx était fasciné par les chemins de fer, il était fasciné par le fer, il était fasciné par les trains, il était fasciné par cette vapeur incandescente qui s'imposait au monde. Le monde ouvrier de l'Angleterre, le monde ouvrier du reste du monde allait se retrouver enfermé entre les murs face à ces machines, cette mécanisation, ces machines à vapeur qui vont imposer leur rythme à la vie de tout un monde. Ben Marx, il est d'un côté, il est en effet impressionné. Et en même temps, mais ça c'était vrai déjà depuis les années 40, ce qu'il souligne à chaque page, c'est le fait que cette richesse colossale, ces techniques nouvelles, ces progrès fabuleux sont aussi réalisés avec le sang, la sueur des ouvriers, des enfants qui sont dans les bagnes industrielles. Et que c'est l'exploitation des uns qui permet l'enrichissement des autres. Et celui qui dévoilait tout ça à l'époque s'appelait Dickens. Dans les temps difficiles, Dickens, il raconte le monde des usines, il raconte la révolution industrielle, il raconte l'utilisation de ce bloc de houille qu'on voit dans l'exposition universelle. Et Dickens, il va décrire ces machines. Il dit que ces machines à vapeur, ces énormes machines qui étaient dans les filatures, dans les industries de l'époque, étaient comme des éléphants rendus fous de mélancolie. Énormément d'habitants de Londres à l'époque sont nés ailleurs, viennent à Londres pour y vivre et pour y travailler. Et il y a aussi très nombreux étrangers qui viennent à Londres, et en particulier il y a plusieurs milliers d'ouvriers allemands dans l'émigration, qui sont à la fois des émigrés économiques et souvent aussi politiques, qui ont dû fuir l'Allemagne en raison de leurs opinions et de leur engagement démocratique socialiste. Et donc là on est dans le quartier de Soho, dans une rue qui s'appelle Dean Street, qui est à l'époque également une rue pauvre de cette partie de Londres où en particulier de nombreux réfugiés sont installés. Hein. Après 1848-49, c'est difficile de savoir exactement combien il y a de réfugiés. On a parlé de 10 000, c'est peut-être moins, mais enfin, il y en a qui émigrent ailleurs, il y en a qui retournent au pays, il y en a qui circulent. Il y a énormément de déplacements parmi les exilés. C'est pas une population qui est très stable et en plus qui voit l'exil comme une condition temporaire. À l'époque, Soho, c'était le quartier des réfugiés. Ça fourmillait de 48ards, de réfugiés polonais et russes. Il y avait une forme de multilinguisme, de multiculturalisme qui s'est perdu au XXe siècle. C'était parfait pour eux. On peut l'imaginer dans ce petit appartement qui fait à peine 2 pièces. Il y a quelques fenêtres qui donnent sur la rue. On entend le charroi, on entend les roues des voitures qui passent, les cris des prostituées et à l'arrière, une petite cour intérieure avec les chats, avec la pourriture. À l'époque, Londres est une ville où les ordures s'entassent. On ne parle pas encore de tout à l'égout. On est à peine au début de ça. Ils n'avaient pas les moyens de payer le loyer, mais ils se débrouillaient toujours. Ils évitaient généralement de répondre quand quelqu'un frappait à la porte. Les enfants avaient tous appris à dire que leur père n'était pas à la maison. bien inventé toutes sortes d'histoires quand on venait réclamer la note pour le charbon ou la nourriture. Il faut imaginer ses enfants autour de lui, sa femme qui est présente, l'odeur de la cigarette, en tout cas du cigare, du mauvais cigare à deux pence, les enfants qui sont autour de lui pendant qu'il travaille le jour et parfois même la nuit. Il y a un peu de vaisselle en argent. C'est tout ce qui lui reste de la gloire passée de sa femme, qui était duchesse héritière des ducs d'argile écossais, la grande noblesse écossaise. Mais évidemment, au bout de quelques semaines, il va aller devoir vendre ça pour pouvoir payer son loyer. C'est-à-dire qu'il en est là. Est-ce qu'il va réussir à payer son loyer à la fin du mois? Il ne gagne pas un rond, Karl Marx. Il ne gagne pas un centime. Comment il fait à chaque fois? C'est vraiment de la survie. Il y avait vraiment des moments où les Marx étaient aux abois. Ils étaient à l'affût du moindre billet pour pouvoir se nourrir convenablement. Gareth Steadman-Jones. Mais ça ne durait pas très longtemps. Marx ne confondait pas ses années de pauvreté avec la misère des ouvriers. Non, lui, c'était un révolutionnaire en exil. C'était différent et il n'allait pas se mettre à faire n'importe quel boulot. Sa femme lui avait d'ailleurs un jour suggéré de devenir contrôleur des chemins de fer. Mais je ne pense pas qu'il l'ait vraiment prise au sérieux. Je ne pense pas qu'il analysait sa condition comme il analysait celle de la classe ouvrière. Les exilés, ils ont tous besoin de travailler pour vivre, enfin la grande, immense majorité. Donc ils donnent des leçons de langue, ou des. Il y en a qui sont tailleurs, il y en a qui ouvrent des commerces, il y en a qui se lancent dans des affaires, qui marchent plus ou moins, il y en a qui ont repris leur travail ancien, il y en a un qui a été maçon. Enfin, Marx, lui, il essaie de vivre de sa plume. Ce qui est quand même remarquable, c'est que dans toutes ces périodes extrêmement difficiles sur le plan matériel, il est quand même réussi à écrire un ou deux articles par semaine. À Dean Street, dans leurs petites deux pièces, tout tourne autour de la table. Une grande table de cuisine où on prend les repas et on fait les travaux de couture. C'est également là où les enfants jouent et où Carl travaille avant de pouvoir aller à la British Library. Il s'assoit à cette table recouverte d'une toile cirée et il écrit. Les Marx reçoivent également beaucoup de visites. Ils organisent des réunions chez eux. Il y a beaucoup d'allées et venues. Donc c'est une période de grandes difficultés matérielles. Et en même temps, par exemple, plus tard, Jenny parlera avec nostalgie de la grande sociabilité, des liens forts qu'ils ont avec toute une population d'exilés, d'ouvriers allemands en particulier, qui arrivent et qui souvent rencontrent Marx, non pas parce qu'il est très présent dans les réunions d'exilés, mais parce qu'en fait, il est quand même une figure intellectuelle et politique reconnue. Il y a beaucoup de cherchent à le rencontrer à ce titre-là, quoi. C'était une période extraordinairement libérale. Vous pouviez venir vous installer à Londres, en Angleterre, même si vous étiez un agitateur révolutionnaire, sans être inquiété par les autorités. Il y avait donc beaucoup d'exilés à Londres à l'époque. Mais je ne dirais pas qu'il constituait un ghetto à proprement parler. Il n'y avait pas de communauté d'exilés avec un grand C. Mais il y avait des associations. Les exilés créaient des associations politiques, dont le but premier était bien sûr de fomenter des révolutions dans leur pays d'origine, mais sans grand succès. Quand Marx arrive à Londres en 1849, comme beaucoup d'autres, il est convaincu que voilà, la révolution elle connaît un petit reflux, mais que ça va repartir. Et puis à la fin de 1849, il voit bien que les différents soulèvements révolutionnaires, les uns après les autres, ont été vaincus, et qu'on entre dans une période quand même différente. Et tout au long des années 1850, on peut dire jusqu'en 1864, Marx se tiendra à l'écart de l'essentiel des regroupements politiques que tentent des exilés qui sont très nombreux ensuite, après 48-49, ils sont très nombreux à Londres, hein, plusieurs milliers, en particulier dans ce quartier de Soho. Pour lui, il n'y a pas le ferment révolutionnaire qui existait en 48-49, il n'est plus là, et on est dans une autre période de repli, quoi. Et dans cette petite rue, là, Great Windmill Street, se trouve un pub qui s'appelle The Red Lion. Alors, The Red Lion, qu'est-ce que c'est ? C'est un pub où, depuis 1840, se réunissent, une fois par semaine, des ouvriers allemands qui ont constitué une société d'éducation. Ils publient des journaux. Cette association, Marx y donne des conférences d'économie politique après être arrivé à Londres. Les exilés, par exemple, font de nombreux banquets. Il y a des commémorations, il y a des cérémonies, ils célèbrent un certain nombre de jours. Lorsqu'il vivait à Soho, Marx avait l'habitude de sortir pour picoler. C'était encore un jeune homme. Il sortait avec Engels pour participer à une réunion au pub du Lion Rouge. Et après deux ou trois jours, Jenny et Helen commençaient à se demander où il était passé. Ils étaient en pleine beuverie. Ils étaient allés de réunion en réunion avec à chaque fois beaucoup d'alcool et d'acrobatie. Marx a même été arrêté une fois pour s'être balancé un lampadaire. À Dean Street, Marx et Engels étaient pratiquement voisins. Les deux hommes étaient inséparables. C'était avant que Engels ne doive partir pour Manchester. Peu de temps après l'arrivée de Marx, il y a eu une épidémie de choléra à Londres. C'est peut-être la raison pour laquelle il surnommait Dean Street Death Street, la rue de la mort, parce que les gens y mouraient du choléra. L'épidémie ne touchait pas tout le pays. Elle avait été provoquée par une compagnie des eaux de Londres qui avait distribué de l'eau souillée. L'épidémie était très concentrée dans certains quartiers, pas loin de chez les Marx. Deux événements se produisent en 1855. Eleanor Marx naît en janvier. Son jeune frère Edgar est déjà atteint de la tuberculose, que Marx avait surnommé la maladie familiale. Il meurt six semaines après la naissance de sa sœur. Marx a le cœur brisé parce qu'il voulait vraiment un garçon. Et ils avaient déjà perdu plusieurs enfants, dont son fils Guido. La mort d'Edgar lui brise vraiment le cœur. Il écrit une lettre à Engels dans laquelle il dit « Il m'est arrivé beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup de gens, mais c'est littéralement la pire chose qui me soit jamais arrivée. » Il est absolument dévasté. Dean Street, Soho, avril 1855. Cher Engels, le pauvre Mouche n'est plus. Aujourd'hui, entre 5 et 6 heures, notre cher enfant s'est endormi pour toujours dans mes bras. Des revers, j'en ai connu de toutes sortes. Mais ce qu'est le vrai malheur, c'est maintenant seulement que je l'ai appris. Je me sens « broken down ». Heureusement, depuis l'enterrement, j'ai des maux de tête si violents que je ne suis plus capable ni de penser, ni d'entendre, ni de voir. Au milieu de toutes ces épreuves, ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est de penser à toi et à ton amitié. Et aussi, l'espérance qu'il nous reste encore sur cette terre des choses à faire ensemble qui ne sont pas dérisoires. Ton Karl Marx. Engels vit à Manchester. Donc Marx et ses enfants vont de temps en temps lui rendre visite. À l'époque, Manchester est la ville des usines. Engels lui-même est propriétaire d'usines. Ils sont donc parfaitement au courant de ce qui se passe dans l'industrie. Et ils ne se contentent pas de ce qu'en dit la presse. Ils peuvent l'observer par eux-mêmes. Quand Engels et Marx qui vient régulièrement à Manchester se rendre de Londres à Manchester, il vient en chemin de fer. Ça prend quelques heures pour un trajet qui auparavant aurait pris peut-être 2 jours. Les lignes, en fait, elles se construisent très vite. Là, ici, c'est la première ligne, donc Manchester-Liverpool, mais en une vingtaine d'années, il y a un réseau ferroviaire qui se met en place. Du coup, Manchester devient un peu un pôle d'attraction, non seulement pour les Britanniques qui s'intéressent, les hommes de lettres, les ingénieurs, etc., mais aussi pour très nombreux Européens. Un peu toute l'Europe va à Manchester, parce qu'à Manchester, on pense voir le futur du continent. Quand on est romancier, pour se représenter une ville, il faut quand même aller chercher vers ceux qui l'ont traversée. Et pour me représenter Manchester, en 1850-1860, je suis allé chercher chez Dickens. C'est une ville de machines et de hautes cheminées, d'où s'échappent inlassablement, éternellement, des serpents de fumée qui ne se déroulent jamais tout à fait. La révolution industrielle, et Manchester en est un des cœurs, un des foyers, c'est quoi ? C'est la vapeur partout. Engels arrives in a city which is mired in poverty. Engels arrive dans une ville qui est plongée dans la misère. Manchester, which is the shock city, c'est la ville choc de l'époque industrielle. Michael Sanders. Engels worked. Engels, lui, travaille dans l'industrie du coton, dans l'entreprise de textile familiale. One thing you have to remember is if you walk. Et quand vous marchiez dans les rues de Manchester, vous entendiez le claquement des métiers à tisser. Le fracas des machines. You can't see the sky because of the smoke. Vous ne pouviez pas voir le ciel à cause de la fumée. You smell the smoke. Vous sentiez partout l'odeur de la fumée. It's a sensory assault. C'était une agression de tous les sens. Quand Engels et Marx viennent en Grande-Bretagne, 1850, et le filage et le tissage sont mécanisés. Ce qui veut dire que la production cotonnière, elle a fait des bonds sur le plan de la productivité. Pour donner un ordre d'idée, en 1850, un ouvrier qui fait fonctionner une machine à tisser mécanique, il produit environ 300 fois ce qu'un ouvrier sur son métier à tisser en 1780 pouvait produire en une journée. C'est aussi ça qui donne caractère de révolution à cette transformation industrielle. Quoi. Et dans le filage, il y a des gains de productivité qui sont comparables. On trouve un peu les mêmes dans un peu toutes les branches de l'activité cotonnière par la mécanisation. La mécanisation, par la transformation des sources d'énergie, par la concentration des ouvriers, par les procédés industriels qui se mettent en place à cette époque. Engels, il va faire fortune grâce au coton, aux filatures de coton. Mais d'où vient sa matière première ? L'essentiel de sa matière première vient des États du Sud d'Amérique, vient des grandes plantations de coton, hein. Ça vient de là-bas, ça vient des plantations. Le coton, c'est le roi coton. C'est l'or blanc, et qui ramasse le coton, ce sont les esclaves. Et puis ce coton-là, où est-ce qu'il allait une fois travailler ? Il était revendu en Inde. Il était imposé aux Indiens. Ce qui a fait la fortune de Engels est l'instrument parfait du capitalisme, de l'exploitation pour l'esclavage, ceux qui produisent le coton, et de la domination économique pour ceux qui sont obligés de l'acheter. Les Indiens. Comme vous le savez, Engels travaille dans l'industrie du coton. Chez Herman and Engels. Oui, il est gestionnaire. having to continue to do filthy capitalism because il bosse pour le sale capitalisme. He, like Marx, had wanted to be a poet. Alors que, no comme go. Marx, il aurait voulu être poète. Mais impossible. Lorsqu'ils échouent tous à Londres dans les années 1840, Engels ne parvient pas à trouver d'emploi en tant que journaliste. Personne ne veut de ce drôle de type venu d'Allemagne. Engels se rend rapidement compte qu'il est le seul de leur petit groupe qui soit réellement capable de gagner de l'argent. Mais pour cela, il faut qu'il fasse du sale business. Et c'est ce qu'il fait. Il part faire son sale business à Manchester. Was the cultural and intellectual qui, capital à ce moment-là, of Britain, est la véritable capitale culturelle et intellectuelle d'Angleterre. S'il y a une ville qui incarne la révolution industrielle et le développement du capitalisme, c'est bien Manchester. Tristram Hunt. And what Engels wants to discover à Manchester, in Manchester, Engels cherche à découvrir le processus à l'œuvre dans le capitalisme qui conduit à une déshumanisation de l'individu. Découvrir comment on travaille dans les usines, comment on y est exploité par la bourgeoisie, comment on développe une conscience de classe avec les autres travailleurs, et comment tout cela est lié au processus du capitalisme. Engels sillonne donc les rues de Manchester. Il se rend dans les bas-quartiers. Il entre dans les usines et les manufactures de textiles pour comprendre ce qu'est le prolétariat et la relation de ce prolétariat avec la bourgeoisie. Et son guide à travers les rues de Manchester, c'est une jeune femme du nom de Mary Burns. And Mary Burns, who is the daughter of an Irish immigrant, Mary Burns est la fille d'un immigré irlandais. On pense qu'elle était ouvrière dans l'industrie du coton et qu'elle travaillait aussi comme serveuse ou domestique. Et Mary Burns tape dans l'œil d'Engels. Ils deviennent amants, mais aussi grands complices dans cette découverte de Manchester. Les sœurs Burns, ces deux ouvrières, deux Irlandaises, elles ont une dizaine d'années de différence. Elles sont tout le temps ensemble, elles ont quitté leur Irlande ensemble, elles se sont réfugiées à Manchester ensemble, elles ont tenté de survivre là-bas. Leur première maison, elle est située dans le quartier irlandais, dans le quartier le plus pauvre de Manchester, qui est surnommé la Petite Irlande. Et ce quartier-là, il faut se le représenter au bord d'une rivière, d'un cloaque, égout à ciel ouvert, que décrit Engels dans ses textes. Engels y va former, avec les deux sœurs Burns, un étrange ménage à trois. Ils vont vivre ensemble, sous le même toit, dans la même maison. En nouant une relation intime avec Mary Burns, Engels va découvrir la réalité de cette vie ouvrière. Celle-ci va l'emmener dans la petite Irlande, va lui montrer les tavernes, les maisons dans lesquelles elles habitent, va lui montrer leurs conditions de vie quotidiennes. They lived together and appeared to be very happily. Engels et Mary Burns ont vécu ensemble et heureux pendant de longues années. For many, many years, Engels writes very movingly. Après la mort de Mary, her death about the role she played. Engels a écrit de très belles pages sur le rôle qu'elle a joué dans sa vie. She represents the coming together. Je pense qu'elle était le trait d'union entre les deux facettes de la vie d'Engels à Manchester. She comes herself from an Irish proletarian. Elle-même venait du prolétariat irlandais, pour reprendre les termes d'Engels. And I think because she comes from an Irish working. Et c'est parce qu'elle venait de cette famille d'ouvriers irlandais. She is literally Engels's passport. Qu'elle a pu jouer le rôle de passeport. Certain aspects. Qu'elle a pu faire découvrir à Engels certains quartiers de Manchester où il n'aurait jamais pu mettre les pieds. Un bourgeois allemand n'aurait jamais pu pénétrer dans Little Island. Et s'il y était parvenu, il n'en serait pas ressorti avec les poches pleines et des vêtements intacts. Mary Burns is important. She is his passport. Mary Burns était importante. Elle était son passeport. Ce séjour d'Engels à Manchester va donner naissance à une œuvre. C'est peut-être son œuvre la plus importante, la plus enragée, la plus fascinante. La situation de la classe ouvrière en Angleterre. Engels l'écrit pour la bourgeoisie allemande. Il l'écrit en allemand pour un public allemand. Et il dit « Faites attention. Regardez ce qu'il se passe en Angleterre. Le fossé entre les classes, la paupérisation, les risques de violence. Faites quelque chose pour empêcher tout cela. Cherchez d'autres moyens d'organiser la société et de créer de la richesse. Avec sa plume acérée, Engels décrit les conditions de vie de la classe ouvrière. Il décrit les taudis dans lesquels vivent les immigrés irlandais. Il décrit la division de la ville en fonction de la richesse et de la classe sociale. C'est un travail pionnier. Des hommes aux articulations déformées, la colonne vertébrale déviée, des femmes rendues impropres à la procréation, des enfants estropiés, des générations entières gâchées. Toutes ces tortures physiques et mentales conjuguées à une existence abrutissante. L'esclavage dans lequel la bourgeoisie a entraîné le prolétariat ne se révèle nulle part aussi éclatant que dans le système industriel. The condition of the working class in England is written when Engels is 24. He's full of brio. Quand il écrit la situation de la classe ouvrière en Angleterre, Engels a 24 ans. Il est plein de verve, plein de colère. Et il est capable de s'installer à son bureau et de faire le job. He has this great capacity to sit down and get the job done. And in a sense, he's not En ce sens, Engels n'est pas Marx. Subtlety and depth. Certes, Marx avait plus de subtilité, plus de profondeur qu'Engels. Et ses connaissances philosophiques étaient bien supérieures. Mais Engels avait le talent du polémiste. On le voit bien dans la situation de la classe ouvrière en Angleterre. Engels écrira d'ailleurs à Marx une lettre charmante lorsqu'il relira ce livre 20 ou 30 ans après. Il lui écrira « Karl, j'ai relu la situation de la classe ouvrière, c'était la belle époque, celle où nous écrivions nos textes en noir et blanc plutôt qu'en demi-teinte. » Engels avait conscience qu'il avait écrit là un très grand texte. C'est un livre qui est à la fois une enquête et un réquisitoire, et qui se termine par tout un raisonnement politique sur l'avenir de cette société industrielle nouvelle, et où il dit en substance, la misère est si grande, le désespoir est tel, l'exploitation est si dure. À côté de ce qui va se passer, la Révolution française, dans sa phase la plus dure, sera peu de chose par rapport à la Révolution sociale, dont cette société britannique va accoucher. My name is John Catterall. Je m'appelle John Catterall. I was born in Salford. Je suis né à Salford, which is a city outside of Manchester. Dans la banlieue de Manchester. That was the first introduction that I had. C'est là que j'ai été initié à la pauvreté. As a young man, and then as a family man, ensuite, I started to take an interest in politics. J'ai commencé à m'intéresser à la politique. And that's when c'est là Marx, to me, came alive. Que j'ai rencontré Karl Marx and then I met his friend, et son pote Fred Engels. Engels. And I thought, who's this fellow? Je me suis dit, mais c'est qui ce type? And so, I then started to learn about Engels. Et j'ai commencé à me renseigner sur lui. A few years went by and I got quelques années après, j'ai décroché un boulot à l'usine juste au bout de la rue. Then somebody said to me, c'est là que quelqu'un m'a dit, this used to be owned by Friedrich Engels' father. Tu sais, cette usine, elle appartenait au père de Friedrich Engels. And he et c'est Engels qui l'a géré. This mill. Ah ouais? Oh. So that means cela voulait donc dire que Marx et Engels, Engels avaient été là, would have walked comme moi, down this floor, these floorboards, qu'ils avaient marché là, dans cette usine. I then took an interest in the mill. J'ai commencé à m'intéresser à ce que Engels avait écrit sur les conditions de vie des ouvriers tout en dirigeant l'usine. Writing the stories about the conditions that the working class were living under. Quand on lit ce que décrit Engels, On se demande comment on a pu laisser les gens vivre dans des conditions pareilles. And saying, how can people be allowed to live in this way? And then I look today and I think, how can people be allowed to live in this way? It's not changed. Et quand on regarde la situation actuelle, on se dit la même chose. Rien n'a changé. It's exactly the same as the people who lived in the cellars. Où les ouvriers de Salford vivaient dans des caves à neuf, little small room. Dans une seule pièce. You know, to me, it's a constant battle. Pour moi, la lutte est loin d'être terminée. Heard a siren from the dark. Saw a train set the night on fire. Smelt the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm Paul Kelly, and like John, I was born in Salford. Je m'appelle Paul Kelly, et comme John, je suis né à Salford. From Irish descent. Dans une famille irlandaise. I was born in a street where. Je suis né dans la même rue que le chanteur folk Ewan McCall. So just next door, enough, the great folk singer. And the first thing I was aware of growing up in Salford was. Quand vous grandissez à Salford, it was a dirty old town. Vous savez ce que c'est que de vivre dans une dirty old town, une vieille ville crasseuse. There were a lot of slum housing, but there was a lot of decent housing. But the community was the thing that. Mais on était une grande communauté. Kept it together. Les logements étaient insalubres, mais la communauté était soudée. C'est ce qui nous faisait tenir, même si on était pauvres. I come from a coal mining family. My mother was a seamstress. Moi, je viens d'une famille de mineurs. In, the fat manufacturing. Ma mère était couturière. Elle travaillait sur les machines dans les usines textiles. But I was born basically into trade unionism through. J'ai grandi dans le syndicalisme. My dad being in the National Mon père Union était à l'Union nationale des mineurs. The greatest union le plus grand syndicat que ce ever pays ait jamais connu. Fighters, le plus combatif. That's why we're not here now, because we took on était fiers, on avait des principes. Et je porte we toujours ces principes en moi qui me viennent de mon enfance. I carry that principle with me from when I was a child. J'ai découvert Marx et le marxisme dans les années 70, quand j'avais 10 ans. Mon père était en grève, et j'étais souvent avec lui sur les piquets de grève. Je ne sais pas si beaucoup d'enfants font cela à 11 ans, mais moi, c'est là que j'ai grandi. On devait se battre pour tout. Il y a la théorie de Marx et Engels, mais nous, on a eu droit à la pratique, vous comprenez, on se l'est prise en pleine face. Il fallait survivre. Engels, I think he wrote great work. Il a écrit de très bons textes. I don't know. It must have been. Mais je ne sais pas trop. Some sort of split personality had to sort of mix with bourgeoisie. Il devait avoir une espèce de double personnalité. And then going to the poor and. C'était un gros bourgeois. Mais en même temps, il allait chez les pauvres voir la misère et la destruction que causait la bourgeoisie. And it must have had character to do that. Il devait falloir une grande force de caractère. It would have been interesting to talk to him and ask him how he did it. J'aurais bien aimé le connaître pour lui demander comment il faisait. With the bourgeoisie, it would inflict in such. Moi, je sais que je ne pourrais pas fréquenter à la fois les grands bourgeois qui nous font tant de mal et les gens de notre classe. Oui, j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec lui. Mais vous voyez là, il y a un paradoxe. S'il n'y avait pas eu tout cet argent pour aider Marx, on n'aurait pas eu de Marx. So the question is, did Engels have a double life? Engels menait-il une double vie? And I think the answer is no, he didn't. Non, je ne le pense pas. He had a compartmentalized life, and that's not quite. Il avait the same une vie thing. Compartimentée, ce qui n'est pas la même chose. He has to work, and in that situation, that gives him. Engels était obligé de travailler, ce qui lui donnait une certaine idée de la condition du travailleur aliéné. Lui aussi détestait son travail. Il détestait travailler uniquement pour des raisons économiques. Mais il avait heureusement toutes sortes de choses qui le passionnaient hors de son travail. Engels, il a un emploi, il a un travail. Donc dans la journée, il fait son travail. Mais une fois que son travail est fini, le travail qui lui permet de vivre et de faire vivre la famille de Marx, il change de quartier, il rejoint les suburbs, les milieux socialistes, les milieux chartistes, les milieux radicaux, les milieux militants dont il a été partie prenante pendant toute son existence. So Engels makes this Engels fait un grand sacrifice pour Marx. Il retourne dans sa famille et il accepte de reprendre l'entreprise familiale. Mais on sait aussi qu'Engels n'était pas du tout prêt à renoncer à son standing de vie. Et c'est compréhensible. C'était un personnage haut en couleur. Il adorait participer à la chasse aux renards. Il aimait le bon vin. Ce qu'il critiquait le plus à Manchester, c'était la difficulté de trouver de quoi faire une bonne salade de homard. Engels envoyait donc d'énormes sommes d'argent à Marx. Mais il vivait aussi la vie qu'il lui fallait mener, celle d'un riche industriel prussien à Manchester. Engels y va passer ses heures dans cette usine, à faire ses comptes, à travailler pour à gagner son salaire. Il a une vie assez décente et régulièrement, il pique dans la caisse. Il met un petit billet de côté pour l'envoyer à Karl Marx. Des billets qui déchirent en deux et qu'il envoie en deux fois à Karl Marx pour pas que la poste mette la main dessus. Et des petites sommes qui ne doivent pas apparaître dans la comptabilité. C'est un vrai sacrifice psychologique pour Engels. Il le fait pour garantir à Marx le soutien financier dont il a besoin pour écrire Le Capital. Il lui envoie des sommes très conséquentes. Aujourd'hui, cela équivaudrait à peu près à 400 000 euros. Étalé sur une période de 17 à 18 ans. Ce qui m'irrite le plus chez Engels, c'est son incapacité à voir les défauts de ceux qu'il aimait et qui avaient tendance à profiter de lui. Mais c'est typique d'Engels. Il était capable de sacrifier une partie de sa réputation au nom de son amitié avec Karl Marx. Quant à Marx, ce qui m'irrite le plus chez lui c'est sûrement la façon dont il a profité de l'amitié d'Engels. Quand on pense qu'il ne lui a même pas dédicacé le volume 1 du Capital. L'inconséquence. Ce qui mérite le plus, c'est l'inconséquence de Marx. Ce qui mérite le plus en Marx, c'est qu'il ait fait un enfant à Sabonne, et qu'il a fait payer son ami Engels, qui avait plus d'argent que lui, étant héritier d'un grand capitaliste. Ce qui m'irrite le plus chez Marx, c'est qu'il n'était pas obligé de cacher qu'il était le père de Freddy Demuth. Ce qui mérite aussi, même si cela peut se comprendre, c'est qu'il ait confié un tel fardeau à Friedrich Engels, son meilleur ami, qui lui demandait non seulement de garder le secret, mais en plus d'assumer la paternité. Pendant des années, les autorités soviétiques vont préserver un secret concernant Karl Marx. Ce secret concerne la vie intime de Karl Marx, il concerne un enfant qu'il aurait eu. Cet enfant a un nom, il s'appelle Freddy. Cet enfant est né à Londres, quand Karl Marx habitait à Dean Street. Et cet enfant, Karl Marx l'a conçu avec la bonne, Nîmes de Muth, pendant une absence de sa femme. On sait ensuite que cet enfant va grandir dans l'ombre de Karl Marx. Aucun contact entre eux, jamais. Karl Marx ne fera jamais rien pour cet enfant. Il n'a pas donné un instant de sa vie à cet enfant. On sait que cet enfant va être recueilli par Engels. La relation entre Marx et Engels Eberhard Illner. est une relation très complexe qui s'est construite au fil du temps. C'est une relation passionnante entre deux individus extrêmement différents qui s'attirent l'un l'autre comme deux aimants. Et on peut suivre toute l'évolution de cette relation à travers leur incroyable correspondance. Ils s'envoient d'innombrables lettres, parfois deux ou trois par jour, dans lesquelles ils s'échangent des blagues, des calembours, des grossièretés, des petits mots de soutien, d'empathie et d'affection. C'est probablement l'amitié la plus importante de toute l'histoire de la pensée politique que révèle cette incroyable correspondance. Engels joue toujours aussi, pour Marx, hein, ce rôle peut-être un peu d'alter ego. Jean Quétier. Disons, les textes que Marx va publier en son nom propre, il va toujours les soumettre à la critique d'Engels, toujours lui demander son avis, tenir compte de ses conseils. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait frappant. Et on peut même dire qu'il y a quand même toute une période, par exemple dans les années 1850, lorsque Marx en vient à obtenir d'être correspondant pour un journal nord-américain qui s'appelle le New York Daily Tribune, où il faut qu'il écrive beaucoup de textes parce que bon, c'est en partie un travail alimentaire. Il y a parfois une espèce de division du travail qui se met en place entre les deux. Au début, d'ailleurs, Marx ne parle pas encore très très bien l'anglais et il n'arrive pas encore très bien à écrire en anglais. Alors il envoie parfois pour certains de ses articles une sorte de trame rédigée en allemand et puis il dit à Engels, voilà, bah, écoute, tu peux m'écrire l'article. Et il lui fait complètement confiance. Et donc on a des exemples de ce type-là qui sont très frappants sur leur collaboration. Londres. Le 12 janvier 1855. Dear Frederick, j'ai envoyé hier le report sur le trade et le commerce au Tribune et il me faut encore livrer deux articles pour combler le découvert que j'ai auprès de ces gens. Il y aura deux steamers la semaine prochaine, l'un le mardi et l'autre le vendredi. Et ce serait très bien si tu pouvais livrer mardi un article sur un sujet quelconque. Rien de nouveau ici. Salut. Ton Karl Marx. Lorsque Marx travaille comme rédacteur pour la New York Tribune ou pour la New American Encyclopedia, il écrit beaucoup d'articles qui sont publiés sous le nom de Marx, mais qui ont été écrits par Engels. Sur les 600 articles publiés, je dirais que 30 à 40% sont de la main d'Engels. Karl Marx bleibt ja. Le journalisme a constitué une partie importante de l'activité de Marx pendant toute sa vie. Jürgen Harras. Durant son exil londonien, il travaille notamment comme correspondant pour un grand journal américain, le New York Daily Tribune. Et si l'on examine de plus près le Capital, on constate que la majorité de ses sources sont puisées dans les articles de journaux londoniens, surtout ceux qui ont trait aux conditions de vie des ouvriers. Quant à son style journalistique, on le retrouvera tout au long de son œuvre. En fait, on a plusieurs Marx comme écrivain. Jacques Attali. Il y a celui qui écrit des textes polémiques à grande vitesse avec un talent fou. Il y a le journaliste observateur qui lui aussi est un observateur du réel et qui va tout au long de sa vie être journaliste, qui va écrire des choses très précises, très exactes et très justes. Et puis il y a le théoricien qui ne sait pas écrire autrement que de façon très compliquée. Qui d'ailleurs ne sait pas finir un texte, autant les textes contraints, comme un article de journal, ou les textes polémiques très courts, comme le manifeste, sont magnifiques de clarté, de luminosité, de simplicité, de force. Autant ces grands textes politiques sont illisibles. Dans le Capital, il y a plusieurs passages qui tiennent presque du reportage. Certains sont directement tirés des journaux, d'autres sont inspirés d'articles que Marx a rassemblés lui-même ou que ses filles ont sélectionnés pour lui. Les filles de Marx collectionnaient pour leur père toutes sortes de coupures de presse. Qu'elle rangeait dans un dossier intitulé Sozialfälle oder Sozialreportagen. Social Cases, cas de société. On sait aussi que Marx emmène ses filles au British Museum. Eleanor Marx, notamment, la plus jeune de ses trois filles, qui est survécue, a beaucoup travaillé avec lui, pour lui, a beaucoup lu dans ce musée. Elle en a parlé aussi à de nombreuses reprises. Donc c'est un lieu qui a joué un rôle important. Là, on est devant le British Museum, qui est un... Donc c'est à la fois à l'époque un grand musée et une grande bibliothèque. C'est une bibliothèque qui est gratuite. C'est une grande bibliothèque publique. C'est une bibliothèque qui... possède des ouvrages dans des champs très variés, sur des sujets très variés, bien sûr l'économie politique, l'histoire, mais aussi par exemple tous les rapports parlementaires, toutes les commissions d'enquête, les blue books que Marx a beaucoup utilisé pour documenter l'évolution de l'économie, de la société, de l'étude des classes laborieuses en Grande-Bretagne à cette époque. C'est aussi un lieu qui est ouvert toute la semaine, de longues heures, environ 12 heures par jour, donc où Marx peut travailler beaucoup pendant des années, comme il l'a fait. Donc c'est un lieu qui a joué un rôle important dans la documentation qu'il a utilisée, en particulier pour le Capital, mais aussi pour de très nombreux autres travaux. Le Capital n'aurait pas pu être écrit autre part qu'à Londres, car à Londres, il y a la bibliothèque du British Museum, avec la plus grande collection de textes économiques au monde. Michael Heinrich. À Londres, il y a aussi une presse quotidienne qui analyse l'actualité économique et un Parlement qui débat sur ces mêmes questions. Il y a quantité de rapports gouvernementaux sur la crise économique, la politique bancaire, la situation dans les usines. Da wurde also ganz viel auch empirisches Material zusammengetragen, was es in Marx a accès à toutes sortes de matériaux empiriques qui n'existent nulle part ailleurs qu'à Londres. Und Marx hat sich da hinein gearbeitet in dieses ganze Material und Kapital, also das Buch das Kapital, das trieft dann richtig, also einerseits von theoretischer Auseinandersetzung. Le Capital, c'est donc le point de rencontre entre une analyse théorique nourrie de la littérature économique la plus poussée und auf der anderen Seite ist es auch empirisch für seine Zeit ungeheuer stark gesättigt. Also wenn man das mit zeitgenössischen anderen ökonomischen Werken. Je ne connais aucun autre texte de l'époque qui mêle aussi intimement théorie et empirie. Théorie et empirie so stark verknüpft sind wie im Kapital. C'est ici surtout qu'il travaille à sa critique de l'économie politique, dont il décline quand même les premières conclusions dans plusieurs textes avant le livre 1 du Capital. Donc il arrive par sa grande connaissance livresque acquise notamment au British Museum, à avoir une maîtrise de ce qu'est l'économie capitaliste qui se construit à cette époque, assez remarquable, et avec un jugement qu'aucun autre de ses critiques du capitalisme n'a eu à l'époque. Marx est une capacité de travail prodigieuse, impressionnante, une puissance de travail extraordinaire. Quand vous lisez les Grundrisse, Lucien Sève. C'est vraiment... Pour moi, les grandes richesses, c'est le chef-d'œuvre absolu. C'est encore mieux que le Capital. Parce que c'est l'ours, quoi. Il n'est pas encore mis en forme. C'est le génie qui éclate. Voilà, c'est formidable. Dans ces 1000 pages, l'incitation à penser qu'il y a là-dedans, c'est phénoménal. Phénoménal. Oui, Marx est un incitateur à penser comme il y en a peu. Und da drin drückt sich, pour moi, c'est la que réside la scientificité de Marx. Die Wissenschaftlichkeit von Marx aus und auch die wissenschaftliche Revolution. Et c'est là qu'on peut mesurer la révolution scientifique qui a été la sienne et qui l'a menée avec succès. Dass man etwas in Frage stellt, parce que toute la révolution scientifique implique de remettre en question ce qui était jusque-là accepté. Das heißt, hat sich nicht als eine Art neuer Prophet, der jetzt Marx ne se positionne pas comme une sorte de prophète qui indiquerait une voie nouvelle, ni comme un penseur politique qui proposerait un nouveau système. Aber nicht in, il est socialiste, in so einem, communiste bien sûr, ja, neuen, einer neuen Welt, mais il ne propose pas une nouvelle Weltanschauung, une nouvelle conception du monde. Auch im Vorwort zum d'ailleurs, dans la préface du volume 1 du Capital, 1867, en 1867, ganz am Ende, il écrit clairement jedes Urteil, tout jugement inspiré par une critique vraiment scientifique est pour moi le bienvenu. Und das, glaube ich, war nicht nur eine, ce ne sont pas des mots en l'air. Auch ein Spruch, sondern das war sehr, sehr Marx le pense sérieusement. Er hat sein ganzes Unternehmen, il considère sa critique de l'économie politique als einen Beitrag zur comme une contribution à l'analyse scientifique du capitalisme. Angesehen, der dann politische une critique qui n'est pas sans conséquences politiques, certes, mais seulement dans un second temps. Il faut d'abord livrer une analyse scientifique. Alors, la critique de l'économie politique, chez Marx, ça va être Isabelle Garot. Le résultat de sa longue lecture de l'économie politique anglaise, qu'il appelle économie politique classique pour la distinguer de l'économie politique vulgaire. Il entend par économie politique vulgaire les productions de ceux qui vont par tous les moyens essayer de justifier ce mode de production-là. L'économie politique classique l'intéresse bien plus parce que ce sont des gens, à son avis, sérieux, alors on va dire Adam Smith, David Ricardo, notamment, qui essaye véritablement de comprendre le capitalisme tout en se situant d'un point de vue bourgeois, non révolutionnaire, disons. Marx hat ein sehr, sehr hohes wissenschaftliches ethos. Marx a un grand ethos scientifique. Und ein Vertrauen darauf, dass wenn man wissenschaftlich präzise il est convaincu qu'une analyse scientifique rigoureuse de la réalité peut conduire à une politique émancipatrice. Il méprise Malthus, par exemple, à qui il reproche de tordre ses résultats scientifiques pour les ajuster à ses désirs politiques. Da hat Marx sinngemäß geschrieben, also c'est ce que Marx appelle un homme vulgaire. Einen solchen Menschen nenne ich gemein, also er c'est-à-dire un homme qui se place hors du champ scientifique. Gemeinschaft, wenn er so etwas à l'inverse, Ricardo, Marx a beaucoup de respect pour Ricardo, der sehr für den Kapitalismus war, pourtant très en faveur du système capitaliste, wissenschaftliche Redlichkeit geschätzt, parce qu'il lui reconnaît une véritable honnêteté scientifique. Donc il va chercher du côté des économistes classiques des éléments de compréhension et en même temps être attentif aux limites de ce travail théorique qui est le fait de penseurs qui cherchent quand même fondamentalement à préserver le capitalisme, à le sauver de ses contradictions. Donc c'est là qu'on retrouve un peu tous les éléments, c'est-à-dire qu'on retrouve un Marx dialecticien qui pense en termes de contradictions, qui pense la réalité historique et sociale de son temps en termes de contradictions, et qui va essayer de montrer que dans l'économie politique classique sont évacuées justement ces contradictions du capitalisme qui, pour lui, doivent amener à un moment ou à un autre à son dépassement. Wert ist die la valeur, c'est la catégorie centrale chez Marx. C'est la catégorie fondamentale de toute sa critique de l'économie politique. La valeur est un terme de la vie quotidienne. Et c'est aussi une catégorie de la pensée économique depuis des siècles. Mais Marx ne se contente pas de reprendre cette catégorie en l'état. Il va se demander ce qui se cache derrière. En ce sens, Marx ne critique pas les économistes classiques parce qu'ils auraient commis une erreur de résultat. Ça, c'est le processus scientifique habituel. Marx les critique parce qu'ils ne posent pas les bonnes questions. Il l'écrit dans sa première section du Capital intitulée « La marchandise ». L'économie politique a certes analysé, bien qu'imparfaitement, la valeur et découvert le contenu caché sous cette forme. Et il ajoute, mais elle ne s'est jamais posée ne serait-ce que la simple question. Pourquoi ce contenu prend cette forme-là? Pourquoi le travail se représente dans la valeur? Avant Marx, cette question n'avait jamais été posée. Et le travail de Marx va être d'aborder cette économie politique à la fois comme le lieu où se forge un savoir indispensable du capitalisme, et en particulier un savoir sur ce qui est cette particularité du capitalisme, qui est de produire plus de valeur, toujours plus de valeur, de valoriser la valeur, dit Marx. Comment comprendre ce processus-là? Sa critique du capital, c'est une critique de la déshumanisation que porte le capitalisme. Michael Levy. Et une critique du fait que le capital détruit des valeurs humaines en les remplaçant uniquement par le prix, la marchandise, etc., l'argent. C'est une critique qui est fondée sur des valeurs humanistes. Sinon, on ne comprend pas, ce n'est pas simplement une analyse scientifique, purement scientifique, de comment fonctionne le capitalisme. C'est une critique féroce du capital, et cette critique se fonde sur des valeurs humanistes. Il faut dire que ce qui l'aide à rester éveillé de cette manière-là, c'est quand même la souffrance énorme, colossale, Gaël Giraud, qui a provoqué la révolution industrielle chez des millions d'ouvriers, aussi bien en Allemagne qu'en France, qu'en Angleterre, qui sont les trois pays qu'il connaît le mieux. On a tendance à oublier ça aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, des hommes et des femmes travaillaient 12 heures par jour dans des usines insalubres, dans des conditions inhumaines, absolument inhumaines. Et donc Marx voit ça, il est spectateur de ça, et ça l'aide à comprendre qu'un régime qui est capable d'infliger de telles souffrances à de telles masses de travailleurs est un régime inhumain, d'abord, ça c'est clair, mais qui n'arrivera pas à surmonter ses propres contradictions. Et donc qui proteste de toutes les manières possibles et imaginables. Et Engels dit à Marx, écoute, écris au moins quelque chose. Écris un petit essai de 30 ou 50 pages et ils seront obligés de la fermer. Il faut juste que tu écrives quelque chose. Rachel Holmes. Comme vous le savez, ce petit essai de 30 pages va sacrément dégénérer et devenir le capital. Marx est writing this. Volume 1 of Capital. L'écriture du Capital coïncide d'ailleurs avec l'enfance d'Eleanor Marx, la Benjamine. Le grand livre de Papounet, comme elle l'appelle. C'est aussi le moment où les Marx emménagent plus haut, à Maitland Park Road, dans le quartier de Hampstead. Ils prennent de la hauteur, à la fois géographiquement et socialement, puisque Hampstead est un quartier bien plus huppé. Il faut bien savoir que chez les Marx, chaque nouvel emménagement est nécessairement lié à un héritage. Et chaque fois qu'un oncle, un ami ou bien un parent comme sa mère meurt et laisse un héritage, ils emménagent dans une maison plus grande qu'ils espèrent aussi plus saine. Leur nouvelle maison se trouve au bord d'Hampstead Heath, un des plus beaux parcs de Londres et un endroit formidable pour se promener. Il y a toutes sortes d'histoires à ce sujet. Marx qui se promène dans le parc d'Hampstead, qui va s'asseoir sur les bancs du parc à côté des enfants pour leur raconter des histoires ou leur déclamer des poèmes ou des vers de Shakespeare. Il est entré en Angleterre comme on entre en Shakespeare. C'est-à-dire que Karl Marx, quand il arrive à Londres, il parle très mal anglais. Sébastien Spitzer. Et il va découvrir, lui et ses enfants, l'anglais à travers la langue de Shakespeare. Ils vont la tourner, la retourner, cette langue. Ils vont apprendre pendant des heures des citations entières, des monologues entiers dans les parcs alentours. Et sa fille, Toussie, dans ses mémoires, elle rappelle ça, elle dit « On faisait des miles de Shakespeare, on faisait des distances, des kilomètres de Shakespeare. » Once upon a time, there was a black-eyed magician with a big beard. When they used to walk on Hampstead Heath, lorsqu'ils se promenaient à Hampstead Heath, Eleanor suppliait son père de lui raconter des histoires. Elle écrit dans ses mémoires qu'il racontait des histoires au kilomètre. He spent most of his time in his magical toy shop that was full of the most wonderful things. So as a father, en tant que père, comme en tant que philosophe, as well as a philosopher, Karl Marx was a great storyteller. Marx était un très grand conteur. Therefore, he had to sell his toys to the devil. Once upon a time, there was a black-eyed magician with a big beard whose name was Hans Röckle. Il était une fois un magicien aux yeux noirs et à la barbe longue qui s'appelait Hans Röckle. Il passait tout son temps dans son atelier magique, rempli de jouets en bois, tous plus merveilleux les uns que les autres. Des hommes et des femmes, des géants et des nains, des rois et des ouvriers. Et même si Hans Röckle était magicien, il n'avait jamais de quoi payer le boucher. Alors, il était obligé de vendre ses jouets au diable. Marx created a figure. Pour amuser ses enfants, Marx avait inventé un personnage. A magician called Hans Röckle. Une sorte de magicien nommé Hans Röckle. Hans Röckle. Hans Röckle était un grand magicien, mais aussi un brillant menuisier qui fabriquait de magnifiques jouets en bois dans son atelier. Malheureusement, Hans Röckle ne gagnait pas assez d'argent et ne pouvait pas garder ses jouets. Hans Röckle had to get into a pact with the devil. Il avait donc dû faire un pacte avec le diable. Loaned out, in order il lui prêtait ses jouets he could make money. And you can en échange d'un peu d'argent. The toys would then go on all these adventures. Et ses jouets partaient à l'aventure. The Hans Röckle pour Marx, l'atelier magique d'Hans Röckle était en réalité une manière fabuleuse d'expliquer le capitalisme et la plus-value à ses enfants, in this case, en l'occurrence à Eleanor, about capitalism. Hans Röckle fabrique des jouets magnifiques. Hans Röckle made these beautiful things, but the labor. Mais la valeur de son travail n'a pas d'équivalent en prix. Could not be represented in the price. So the labor goes into the item, and le revenu de cet objet magnifique issu de son travail devrait normalement revenir à Hans Röckle. The income from that item of labor should be returned to Hans Röckle. Pour qu'il puisse nourrir sa famille. Feed his family, but it's not. The devil takes mais ce n'est pas le cas, more, or he car le diable more, garde le jouet pour le revendre plus cher, pour en tirer plus de profit. Hans Röckle, lui, n'a rien en retour. Le diable ne lui rend même pas le jouet. Ce que Marx essaie en réalité d'expliquer à ses filles, c'est sa théorie de la plus-value. Bon, Le Capital, c'est un grand livre du point de vue littéraire. Il y a une écriture, un style. C'est plein de métaphores. Enfin, c'est aussi une œuvre littéraire. Anne Longuet Marx. C'est vivant, c'est-à-dire que c'est jamais strictement un texte théorique, sec, d'économie asséchante. Il y a cette espèce de dialogue. Dans Le Capital, je trouve qu'il y a des moments où le ton est marrant et on l'oublie souvent. En toute science, c'est toujours le début qui est difficile. J'ai fait de mon mieux pour en rendre l'exposé accessible à tous. Ainsi donc, exception faite de la section sur la forme-valeur, On ne pourra pas accuser ce livre d'être difficile et peu compréhensible. L'objet de ma recherche, c'est le mode de production capitaliste. Jusqu'à présent, sa localisation classique est l'Angleterre, qui sert d'illustration principale à tout mon développement théorique. Toutefois, s'il devait arriver que le lecteur allemand nourrisse l'illusion optimiste que les choses sont loin d'aller aussi mal en Allemagne, il faudrait alors que je lui crie bien fort « De tes fabula narratur ». Une observation de Marx m'avait très vivement frappé. À un certain moment dans la préface au Capital, Pierre Bergugnou, il cite le poète latin Horace du 1er siècle après Jésus-Christ. La formule d'Horace tient en quatre mots. De te fabula narratur. Lecteur, méfie-toi, c'est de toi qu'il est question dans le texte. On croit lire quelque chose qui se rapporte à une chose tierce, alors qu'en vérité, le texte est un miroir éclairant. Je m'appelle Alix Bouffard, je suis née en 1990, donc j'ai 29 ans actuellement. Je fais de la philosophie. Ma première rencontre avec Marx, je m'en souviens, c'est tout simplement la lecture du livre 1 du Capital, qui est déjà en soi un gros livre. Mais il faut bien se souvenir que c'est le livre 1 du Capital, et qu'après ce livre 1 arrive un livre 2 et un livre 3, voire un livre 4. Au-delà de ces quatre livres, le Capital, ça devait être quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire que le projet de Marx, ce qui est écrit et qu'on connaît sous le titre de Capital aujourd'hui, c'est une infime partie de ce qui constituait le projet général de Marx. Et j'ai ouvert ce livre, ce gros pavé rouge du livre 1 du Capital qui est assez impressionnant, et je suis tombée dedans comme on tombe dans la lecture d'un roman. Qui l'a lu entièrement ? Vous ? Moi non plus. Mais on s'y balade. Or précieux, or jaune et luisant, allons, argile damnée, catin du genre humain. Marx se penche en quelque sorte sur l'épaule de Shakespeare pour voir ce qu'il raconte à propos de l'argent et note que ce sont des vues pénétrantes que celles que le barde de Stratford-upon-Avon a développées dès la fin du XVIe siècle, lorsque effectivement la production marchande commence à se développer spécialement outre-Manche. L'argent est un opérateur de métamorphose. Shakespeare, qui est un poète, voit surtout le caractère magique de l'argent en tant que son contact altère, modifie, renverse, dénature tous les objets, toutes les hiérarchies que nous instaurons entre les objets, le fétiche par excellence. Le fétichisme dans le Capital porte sur la marchandise, accumulation de marchandises qui sont soudain sur le marché, animées d'une espèce de mouvement autonome tout à fait étrange. Marx, au début du Capital, parle de tables qui se mettent à danser sur leur tête de bois, espèce de fantasmagorie des marchandises animées d'une frénésie qui n'est rien d'autre en fait que cette logique capitaliste de la valeur et de la valorisation de la valeur. C'est au début du livre 1, le fétichisme de la marchandise, mais quand on lit ce texte très fameux, on s'aperçoit que le fétichisme est lié à la forme argent, qui couvre de ses miroitements, finalement, encore mieux la réalité des rapports sociaux. Et puis, c'est le fétichisme du Capital. Et Marx va, dans le Capital, examiner cette forme spécifique du Capital qui apparaît comme s'auto-valorisant, qui donne l'impression que l'argent fait des petits, comme on dit, que le Capital s'accroît de façon magique, sans passer par la sphère de la production. Ce Capital fictif, c'est une fiction qui existe. Peut-être on retrouve aussi le Marx lecteur de romans. La fiction, c'est pas rien, ça existe et ça produit des effets. Et le Capital fictif, il produit des effets tout à fait considérables, en suscitant aussi des effets de croyance et de confiance à un moment donné. Et Marx dit que les capitalistes n'ont pas forcément besoin de savoir comment marche le capitalisme. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a une espèce de paradoxe, c'est que les capitalistes ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils font. Pour Marx, c'est le contraire d'une société humaine qui essaye de se diriger rationnellement, qui essaye d'organiser sa propre production de façon rationnelle. Là, on a vraiment un système économique devenu littéralement fou et qui embarque dans sa folie ceux-là même qui en sont les défenseurs principaux. principaux. Là, les illusions sont vraiment autre chose que de pures vapeurs qui suffiraient de dissoudre. Ce sont des formes, encore une fois, qui émanent de ce mode de production, qui sont très puissantes et qu'il faut absolument analyser, défaire et auxquelles il faut substituer autre chose. Effectivement, la question de l'illusion et des apparences, elle est tout à fait centrale dans le Capital, dans la mesure où Marx veut à la fois aller au-delà des apparences, nous montrer ce qu'il y a sous la surface de la réalité économique, nous montrer comment les choses fonctionnent réellement, et nous expliquer d'où vient cette illusion, cette apparence, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la surface est telle qu'elle est. Parce que, au fond, le Capital de Marx, c'est quoi ? C'est de donner les moyens de décrypter la réalité sous des apparences banales. Jean Numa Ducange. Vous avez une marchandise, vous avez une chaise, une table, toutes choses que commencent à produire les usines en masse à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comment on a réussi à produire cela ? C'est ça les hiéroglyphes du Capital. C'est, on va essayer de déchiffrer pas à pas ce qui se cache derrière la production, derrière le mode de production capitaliste. Comment fonctionne-t-il ? Et en fait, j'ai été totalement prise par cette enquête, hein, ce que j'ai vécu moi comme une enquête, quasiment un roman policier, à la recherche de l'origine de la survaleur. Finalement, cette énigme capitaliste se présente de la façon suivante. On a un capitalisme qui est capable de produire plus de valeur qu'il n'en requiert pour cette production de valeur. Je veux dire par là que un capitaliste individuel qui va investir dans la production, puisque c'est sa définition même de capitaliste, va acheter des matières premières, des bâtiments, des machines, payer des salaires, et en mettant ensemble les salariés, les matières premières et les machines, produire plus de valeur que ces éléments premiers ne lui en ont coûté. Et donc le grand problème de Marx, la grande énigme du capitalisme, c'est où est ce plus ? D'où vient ce plus de valeur ? Donc c'est dans le Capital ce qu'il appellera la plus-value ou la survaleur, ça dépend comment on traduit mer verte. Et cette analyse-là, elle est vraiment centrale et c'est l'une de celles qui fait la spécificité de son approche. Jusqu'à lui et souvent après lui, on a utilisé l'apparence des choses comme la réalité. Et on a considéré que le marché, les échanges étaient l'essentiel de l'économie. Lui, il en vient à inverser ça et à penser que l'essentiel est dans la production. Jacques Attali. Et que la production ne pourrait pas être vue par la nature de ce qui est produit, mais par la nature de celui qui produit. Et que la vraie valeur n'est pas dans l'objet produit, mais dans la richesse qui a mis celui qui l'a produit. Et c'est là où il est révolutionnaire, parce qu'il dit sous la réalité apparente, il y a une autre réalité, qui est la réalité du travail, dans laquelle il y a une extorsion de la plus-value, et c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Les masques dont se couvrent les personnages de notre drame ne sont pas autre chose que la personnification des rapports économiques. Nous allons donc quitter la place bruyante où tout se passe à la surface pour les accompagner dans l'antre secret de la production, au seuil duquel on peut lire « No admittance except on business ». Là, le grand secret de la survaleur, de la plus-value, va enfin se dévoiler. Je voyais émerger des personnages assez romanesques, la marchandise, le capitaliste, le travailleur. En fait, j'ai été époustouflée par la mise en scène de tout le développement théorique de Marx. Et pour comprendre vraiment d'où vient cette valeur en plus qui est continuellement produite par le capitalisme, dans le capitalisme, il faut rentrer dans l'antre de la production, c'est-à-dire dans le processus de production, là où il y a du travail à l'œuvre, du travail vivant, des gens qui travaillent. C'est le fond de l'affaire, c'est le nerf de la guerre. Par quel moyen, procédé, subterfuge, le capitaliste réussit-il à prélever une fraction toujours extrêmement significative de la richesse créée par les travailleurs ? Ce qu'on appelle le profit, ça n'est jamais rien d'autre que du surtravail non rémunéré extorqué aux producteurs. C'est ainsi, c'est la loi immanente à ce mode de production. Quand on touche un salaire, on suppose que c'est pour le travail. Non, c'est pour la force de travail. Et toute la différence et la difficulté résident là. Et la grande nouveauté du capitalisme, c'est d'avoir considéré le travail humain comme marchandise. Marx insiste sur le « comme ». Ça s'échange comme une marchandise. C'est-à-dire qu'à travers le salariat, nous vendons non pas notre travail, dit Marx, mais pour être précis, notre force de travail pour un temps donné. Et cette force de travail, mise en contact avec des matières premières, avec des machines, produit ce surplus, qui est en fait ce petit miracle, hein, à chaque fois que l'on travaille, ce petit miracle est dû au fait que la force de travail produit plus de richesses qu'elle n'en coûte. Vous prenez une formule comme le coût du travail, extraordinaire, le coût du travail. Lucien Say. Pour le capital, c'est un coût. Dans sa comptabilité, c'est un coût. Oui, absolument. Mais c'est un langage qui est une mystification économique phénoménale. Le travail, c'est ce qui crée la richesse. Et ça serait un coût. Non, mais vous rigolez, c'est le contraire d'un coût. Le travail, c'est ce qui crée la richesse. Autrement dit, on veut nous placer entièrement du côté du capital. Et on veut que nous pensions toutes les choses comme le pense le capital. Comme la clé d'intelligence des phénomènes économiques. C'est sa force, absolument, c'est sa force, bien entendu. Dans son enquête policière sur la création du profit, Marx envisage plusieurs hypothèses, et notamment celle d'un vol systématique, c'est-à-dire on ferait du profit parce qu'on gruge. Évidemment, il montre que ça peut exister dans certaines circonstances, mais que ça peut pas fonctionner comme principe général, global, systématique. Michel Husson. Et donc, le mystère s'épaissit. Tout paraît être un échange égal, sans tricherie. Tout se passe d'une manière qui paraît juste, peut-être aussi dans la conscience même que s'en font les propriétaires des moyens de production, les capitalistes, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas le sentiment de faire quelque chose qui soit de l'ordre de l'extorsion de la plus-value. Ils pensent qu'ils achètent à des prix qui sont normaux et qu'ils payent des salaires qui sont normaux et qu'ils vendent à des prix qui sont normaux puisqu'ils sont acceptés sur le marché. Et donc, à partir du moment où tout se fait un tarif légal, on peut dire qu'il y a un mécanisme de dépossession sans vol, mais dont tout le travail de Marx consiste à le faire sortir derrière l'apparence des choses, l'existence de rapports sociaux fondamentaux. Il me semble que c'est la bonne méthode d'utiliser Marx, c'est-à-dire c'est le déclic qui vous dit mais pourquoi il faut se poser cette question. D'une certaine manière, c'est une version moderne du roman policier sur la source du profit. Et ce plus, cette plus-value qui est appropriée par le capitaliste en vertu du contrat de travail, donc Marx dit c'est pas un vol. C'est le droit bourgeois lui-même qui est scandaleux de ce point de vue-là, mais c'est pas un vol selon les critères du droit bourgeois. Ce plus, c'est cette valeur supplémentaire qui vient s'accumuler sous forme de capital. Et cette valeur, elle est le produit du travail au départ. Il n'y a rien d'autre que le travail pour produire cette valeur, et donc le capital, c'est du travail. C'est du travail gélifié, dit Marx, figé, cristallisé. Dans sa pulsion aveugle et démesurée, sa bestiale fringale, le loup-garou capital, ne franchit pas seulement les bornes morales, mais aussi physiologiques de la journée de travail. Il usurpe le temps qu'exige la croissance, le développement et le maintien du corps en bonne santé. Il vole le temps qu'il faut pour respirer l'air libre et jouir de la lumière du soleil. Il grignote sur le temps des repas et l'incorpore si possible au procès de production, si bien que le travailleur, simple moyen de production, se voit fournir sa nourriture comme on alimente en charbon la machine à vapeur. Ce qui intéresse exclusivement le capital, c'est dégager le maximum de force de travail en une journée de travail. On ne peut pas décrire plus clairement le fonctionnement du rapport au temps que prescrit le capital sur la vie des gens. On vole le temps, on vole les vies, bien sûr, puisqu'on raccourcit le temps, on intensifie la productivité des individus ou de ces vies, où on essaie d'extraire, comme il le montre très bien avec ces ouvriers qui sont nourris comme des machines, on essaie d'extraire le jus de chaque individu dans un strict souci du rendement. Le vol principal, c'est le temps. Oui, moi je vais prendre simplement l'exemple de ce qu'a été l'aménagement du temps de travail à Renault Cléon. Régis Loye. En fait, l'aménagement du temps de travail, ça a été aussi la volonté de faire la chasse au temps mort. Chez Renault, on appelle ça la suppression des temps qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc on arrive avec un chronomètre et on note chaque opération. Et on additionne tous ces temps morts. Et qu'est-ce qu'on fait à un moment donné ? On dit on va supprimer toute une série d'opérations qui sont pénibles, qui sont inutiles. Et on s'aperçoit au final qu'on n'améliore pas les conditions de travail parce que ces temps qui n'ont pas de valeur ajoutée, c'est des temps qui étaient nécessaires pour respirer. Simplement inspirer, penser un peu à autre chose avant de passer à une nouvelle opération. Et on s'aperçoit que cette chasse aux temps morts, aux temps qui n'ont pas de valeur ajoutée, en fait, peut-être qu'en les retirant des opérations, on supprime de la pénibilité physique, mais on ajoute une autre pénibilité puisqu'on intensifie le travail. Et c'est vrai que lorsqu'on lit ce texte de Marx dans le Capital, la journée de travail, mais on s'aperçoit qu'on est ramené à des conditions de travail qui existaient effectivement au 19e ou au 18e siècle. La journée de travail, c'est 16 heures sous la révolution industrielle. On fait trimer des gosses de 6 ans dans des caves toujours humides parce qu'ils sont commis à la surveillance des métiers à tisser et qu'il faut que l'air soit surchargé d'humidité pour éviter que le fil de coton ne casse et qu'il ne faille aller le renouer au milieu des broches qui tournent à des vitesses prodigieuses. On a pris l'habitude de calculer le temps en heures et en minutes. Dans l'industrie, c'est plus suffisant la minute parce que la minute, c'est 60 secondes. Et lorsqu'il faut découper le travail, en fait, on s'est aperçu que ça serait mieux de diviser la minute en centièmes. Parce qu'il y a 100 parties pendant lesquelles on va pouvoir distribuer des tâches. Alors que si on divise le temps, la minute en secondes, il n'y a que 60 parties. Donc, travail à la chaîne, une minute, c'est pas 60 secondes, c'est 100 centièmes. Oui, Marx a raison lorsqu'il parle du vol du temps. Moi, j'ai un autre exemple qui n'est pas celui de Marx, du Capital, qui est Chaplin et les temps modernes. Lorsqu'on voit cette affiche de Chaplin qui monte sur les engrenages d'une machine parce qu'il essaie de suivre les opérations qu'il a à faire dans sa découpe, dans le travail à la chaîne, un siècle plus tard, ou même davantage, en fait, les conditions de travail sont rigoureusement celles que décrivait Chaplin. Et ce qui apparaissait comme une caricature n'est pas une caricature, ce qui est la caricature, c'est la façon dont le capitalisme fait travailler les salariés. Lorsque je lis cette phrase de Marx, la société bourgeoise moderne, qui a mis en mouvement de si puissants moyens de production et d'échange, ressemble au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées, je suis frappé par sa façon inimitable, quasi hypnotique, d'écrire le scénario du drame de l'histoire humaine. Yanis Varoufakis. Et lorsque Marx parle du capital comme rapport social et comme force à laquelle nous devons nous soumettre, il évoque aussi ce moment où les machines cessent d'être de simples machines pour devenir de véritables forces auxquelles nous devons nous soumettre. Et il dit, nous sommes devenus les esclaves des machines, un rouage dans la machinerie du capital. Et par nous, il n'entend pas seulement les prolétaires, les travailleurs, il inclut aussi les patrons qui doivent eux aussi se soumettre à la machine, qui perdent eux aussi leur liberté et qui exploitent les travailleurs par peur de devenir eux-mêmes des travailleurs exploités. C'est presque une tragédie grecque ou une tragédie shakespearienne que Marx écrit sous forme d'analyse économique. Cette dialectique du bien et du mal, de la richesse et de la misère, ce scénario dramatique a joué un rôle central dans ma formation intellectuelle. Travailler, c'est se déposséder d'un certain point de vue. C'est subir l'aliénation et sentir à quel point on l'a subi. À travers la violence quotidienne, qui est celle des rapports de travail, à travers la souffrance et la violence de l'exploitation. Et pour Marx, c'est le lieu aussi de la politisation, ça. C'est le lieu du refus. Dans une société où les individus pourraient se réapproprier leur temps de travail, décider de comment ils travaillent, comment ils produisent, comment ils gèrent la production, comment ils gèrent leur temps libre, comment ils recomposent les moments de temps de travail et de temps libre, c'est toute la vie qui se trouve transformée. Donc pour lui, le communisme, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. Non pas du tout un projet idéal tout prêt et dont on pourrait dire à l'avance par quelle étape on va le construire, mais l'idée d'une libération des individus, qui est forcément une libération collective, et qui passe par cette démarchandisation de la force de travail, qui passe par cette libération à l'égard de ces logiques capitalistes qui capturent nos vies, qui capturent notre temps de vie. Dear Frederick, Londres, juin 1863. Pour comprendre mon long silence, tu n'as qu'à te représenter un foie très gonflé. Depuis about 12 semaines, ce nonsense m'a vidé la tête et paralysé les membres. Dès que la tranquillité sera revenue, je me déchargerai de ce fardeau, je mettrai au propre l'économie politique et j'irai apporter moi-même ce livre merdique en Allemagne. Salut, Karl Marx. Marx écrit qu'il a sacrifié santé, bonheur et famille à ce livre. C'est l'œuvre d'une vie. Mais c'est à double tranchant. Car c'est une œuvre qui l'a poussé, qui l'a fait avancer, mais qui l'a également rendu esclave. Le capital est un fardeau dont Marx s'est lui-même chargé et dont il ne peut se défaire parce qu'il considère qu'il est la plus haute importance politique de livrer cette analyse du capitalisme. Il fait partie de ces écrivains, ils sont assez nombreux, ou ces artistes, qui se trompent sur ce qui va les faire durer. Jacques Attali. Il croit que l'œuvre qui va la faire durer, c'est celle qu'il n'aura jamais finie, qui va rester comme son œuvre majeure, qu'il faut absolument prendre son temps jusqu'au bout, qui n'est pas séparable de lui, parce qu'il a un tel souci de la perfection, des obstacles, des objections qu'on pourrait lui faire, qu'il remet tout le temps l'œuvre sur le chantier. Et d'autant plus que, pour autant ses textes rapides sont publiés très vite, autant ses grandes œuvres, il ne les publie pas. Il a fallu presque lui extorquer de force le Capital, puisqu'il ne voulait pas le publier. Enfin, il a trouvé tous les prétextes pour retarder la publication. Et retarder, c'était pour lui ajouter, compliquer, compléter. Il n'a jamais arrêté à penser à une nouvelle version du Capital. Il a même écrit à ses amis dans les années 80, à la fin, je dois refaire tout ça. En allemand, völlige Umarbeitung. Je dois vraiment changer tout. Il n'était jamais vraiment content avec ce qu'il avait déjà publié. Il voulait le refaire. Et on a pas mal des matériaux, y compris son propre exemplaire du volume premier avec beaucoup de ses notes là-dedans où on peut voir ce qu'il voulait changer. Le volume des manuscrits de notes de Marx ne cesse d'augmenter. Il va falloir encore attendre longtemps avant que leur intégralité ne soit publiée. La prise de notes chez Marx était en quelque sorte sa façon d'apprendre, de s'approprier les choses. Il prenait des notes sur ses propres notes. C'était un processus inédit, en plusieurs étapes, qui constitue un genre en soi. Ces milliers de notes sont vraiment à considérer comme un genre à part entière dans l'œuvre de Marx, au même titre que ses œuvres publiées, ses manuscrits et sa correspondance. Ce que je dirais également, c'est que c'est un économiste ouvert sur l'ensemble des disciplines sociales, enfin des sciences sociales, le droit, puisqu'il était formé en droit, c'est un juriste, évidemment, la philosophie, bien sûr, l'anthropologie, la science politique, l'histoire. C'est un homme qui a lu une quantité de choses absolument faramineuses à l'époque et qui a essayé vraiment de s'imprégner de ce qu'on savait à son époque, à la fois en histoire, en sociologie, en sciences politiques, même en chimie. Marx est inséparable, non pas seulement d'un livre, mais de 100, mais de 1000 livres. Je ne peux l'imaginer que dans un bureau assez mal éclairé par une lampe à pétrole, avec partout sur le plancher, appuyé au pied de la chaise ou du bureau, d'énormes volumes grand in octavo, voire in folio. L'énorme masse de papier qu'il faut brasser pour en extraire un détail dont les conséquences sont incalculables. Il travaille nuit et jour, il dort plusieurs fois, à plusieurs heures sur son canapé. Son tapis est élimé comme une ligne droite, parce qu'il fait toujours des allers-retours quand il réfléchit pour écrire ses textes. Il a une hygiène assez déplorable qui est décrite par ses proches, qui rappelle souvent cette chemise tachée de gras, de graisse. Il fume énormément et comme il négligeait considérablement sa santé, son hygiène de vie, avec un sommeil complètement aléatoire, avec une alimentation complètement aléatoire, il avait plein de problèmes de santé, notamment des furoncles. Et il y a une de ses phrases assez célèbres qui dit que il a bien l'intention de faire payer à tous ces bourgeois tous les furoncles qu'il a au cul. Porte déjà sur sa figure les stigmates de la maladie, de l'usure que la vie difficile qui a été la sienne y a posé. Il y a une photo de lui, il a peut-être 45 ans. Il a toujours une barbe et une chevelure opulente, mais qui grisonne. Il a l'air soucieux, parce que il est aux prises avec le capital. Lorsque je pense à lui, c'est sous ces espèces-là, ce moment précis de son existence que je l'imagine. Oui, il est malade, sans doute. Il est fatigué aussi, sans doute. Mais il continue à travailler. Il continue en même temps de produire des séries de manuscrit qui appartient au capital, à son grand projet, qui n'a pas encore fini. Et il travaille énormément. Il écrit des centaines et des centaines de pages et fait des notes chaque jour. Il continue, par exemple, ou il recommence, par exemple, avec des études très intenses de la mathématique. Il a fait en total 10 manuscrit sur ce problème-là. Il a étudié vraiment le calcul, le calculus, le calcul, pour apprendre comment on peut traiter mathématiquement les dynamismes, les dynamiques, les changements, l'accélération des changements, etc. Quand il ne parvenait plus à travailler à cause de ses terribles furoncles, deux choses le soulageaient. Traduire en allemand les poètes de l'Antiquité grecque aus dem Altgriechischen ins Deutsche et les mathématiques. Und das zweite war die Mathematik. Il y a d'ailleurs quelques allusions aux mathématiques dans le Kapital. Auch im Kapital, wo sagt, par exemple, lorsque Marx remarque que diviser par zéro est généralement impossible, nicht, aber irgendwo geht's dann eben doch. Also, mais que sous certaines conditions, nicht so einfach und durchschaubar, l'impossible und dafür peut tout de même donner des résultats effectifs. Beispiele aus der Mathematik, die auch deutlich machen, er hat sich c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi simple que ça de dire d'une chose qu'elle est impossible. Beschäftigt. Also insofern, et cela montre bien que Marx s'est vraiment intéressé de très près à certaines questions mathématiques. Mit Mathematik für ihn wirklich auch, je dirais donc que les mathématiques lui ont été extrêmement utiles, weiteren philosophischen, Sinne. Au sens où elles ont nourri son questionnement philosophique. Marx était pionnier en beaucoup de respects. Michael Kretke. Alors il y avait d'autres économistes du même temps qui ont essayé de faire une chose semblable. Et Marx certainement voulait présenter sa critique de l'économie politique. Il pensait qu'il est nécessaire d'établir la nouvelle science et la nouvelle critique de l'économie politique en une manière stricte, scientifiquement stricte. Mais c'est pas seulement la mathématique là-dedans. Le Capital est déjà plein d'histoires. Le Capital a tout ce que manque aujourd'hui en économie. Hein. C'est plein d'histoires, c'est plein de sociétés. Hein. Et ça, c'est la force de la critique de l'économie de Marx, de combiner tout ça dans un seul approche. Wenn man jetzt das Marx'sche Werk als Ganzes. Si l'on considère l'œuvre de Marx dans son ensemble, pas seulement le Capital, mais les 40 années de son activité scientifique et politique, on constate que cette œuvre prend la forme d'une longue série de projets inachevés. Marx a un projet formidable en tête. Il se lance et il abandonne. Il entame un autre projet qu'il interrompt à nouveau pour le reprendre un peu plus tard. C'est comme ça depuis sa thèse d'étudiant. Et ça se poursuit jusqu'au Capital. Avec du recul, on observe quand même une certaine évolution. Marx progresse dans ses connaissances. Il aiguise ses outils théoriques. Mais il ne parvient jamais à une conclusion. C'est une pensée qui tâtonne en permanence, qui se cherche, qui... voilà. C'est pas du tout un intellectuel en chambre qui écrit des traités savants pour la postérité. C'est pas ça du tout. La manière dont il écrit, ça, disons, reflète aussi la précarité de sa propre existence et la férocité de son propre combat politique, individuel, personnel. C'est-à-dire, Marx montre dans le Capital les limites de la pensée économique bourgeoise, hein, mais pas dans un objectif purement académique. Michael Levy. Mais pour mettre cette connaissance au service du mouvement ouvrier, hein, pour que le mouvement ouvrier comprenne que le capitalisme, c'est pas une forme naturelle éternelle de l'économie, c'est une forme historique comme les autres, pleine de contradictions et qui est fondée sur l'exploitation des travailleurs. Donc, c'est une lecture qui est à la fois une vision, une analyse scientifique, disons, du Capital, mais c'est une lecture politique en même temps. Les deux choses sont inséparables. 17 avril 1867. J'ai quitté Londres mercredi dernier par bateau et j'ai atteint Hambourg vendredi après-midi, au milieu de la tempête et de l'orage, pour remettre le manuscrit du tome premier. C'est certainement le plus redoutable missile qui ait jamais été lancé à la tête des bourgeois. Et maintenant, addio, old boy. Ton Karl Marx. Ich beginne die Biographie mit der Schilderung der Überfahrt von London nach Dans les premières pages de la biographie que j'ai consacrée à Marx, je commence par décrire son voyage de Londres à Hambourg en 1867, lorsqu'il apporte le volume 1 du Capital à son éditeur. Il y a toutes sortes d'anecdotes à propos de ce voyage dans la correspondance de Marx. Elle révèle l'importance cruciale que Marx accordait au Capital, son œuvre majeure. Une importance scientifique, parce que cela représentait une vraie révolution. Mais un espoir aussi, espoir de pouvoir, grâce à la vente du livre, améliorer sa situation matérielle. Car Marx n'avait pratiquement aucun revenu. Cet espoir a été déçu. Le livre s'est très mal vendu. Il a fallu 4 ans pour écouler les 1000 exemplaires du premier tirage. Quand il est sorti, personne s'en est rendu compte. Marx était extrêmement content qu'il y ait un bon article en Russie, etc. Mais enfin, on ne peut pas dire que le Capital avait une grande presse. Ce sont des monuments de la pensée qui ont joué un rôle historique énorme. Et lui, le pauvre, il n'a pas vécu de manière glorieuse et triomphatrice, c'est le moins qu'on puisse dire. Une vie très très dure. J'ai été nommé dans une petite gare en 3-8, en roulement alterné, où la nuit, il s'agissait de cantonner, c'est-à-dire d'éviter que 5 trains se rattrapent. Il était bien évidemment interdit de dormir. Pierre Louvard. Donc c'était super pour lire. Donc j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits à lire, et ça m'a permis d'avoir suffisamment de temps pour lire le livre 1 du Capital. C'est vrai que c'est pénible d'aller faire les 3-8 dans une gare de campagne. Bon, et puis à l'époque, c'était pas les 35 heures. Mais c'est vrai que, oui, à partir du moment où on a le temps de le lire, c'est un miracle. Enfin, moi, je me rappelle, c'est de la bonne littérature, Karl Marx. Et ça alimente la révolte, enfin. Il y avait cette notion de transmettre le savoir aux ouvriers, qu'ils aient la science de leur malheur. Il y a deux sortes de livres. Il y a les bons et puis les autres. Et alors, ce qui fait la vertu des bons, c'est qu'après qu'on les a lus, le monde n'est plus le même. Le monde réside en partie dans l'idée que je m'en fais. Si cette idée change, le monde a changé. What was his legacy? What did he leave behind? I think that he left behind. Son héritage, ce qu'il nous a laissé. Question. Questionner. And I think that's the way I look at it. Really, I question. Le questionnement. Everything. C'est comme ça que je le vois. So yeah, I would. Oui. Say question. Il faut tout remettre en question. Gift he gave to me to actually say that again. I'm not accepting what you say. Oui, son héritage, c'est ça, c'est pouvoir dire je remets les choses en question. I'm going to question it. I want to know how things work. Je veux comprendre comment elles fonctionnent. I want to analyze it. I want to look. I want to see why. Je veux analyser. Je veux voir. Je veux comprendre pourquoi. It's always that question, isn't it? C'est toujours la même question. Why? Pourquoi? Karl Marx, l'inconnu. It's a song from the miners' strike, just a bit of a chorus. They spoke about statistics, about the price of coal. The cost is our communities dying on the dole. We are women, we are strong, we are fighting for our rights, side by side with our men. Who work the nation's minds, united by the past, united by the struggle, and it's here we go, to the women of the working class. Well, what a great one to finish. Brought tears to my eyes, that, yeah. Paul. It does, doesn't it? It does. I love that song. Avec les économistes Jacques Attali, Gaël Giraud, Michel Husson, Michael Kretke et Yanis Varoufakis. Les écrivains Pierre Bergugnou, Manfred Flüge et Sébastien Spitzer. L'essayiste Anne Longuet-Marx. Les ouvriers et syndicalistes John Catterall, Paul Kelly, Régis Louaille et Pierre Louvard. Le chercheur Michael Sanders, les philosophes Alix Bouffard, Michael Heinrich, Isabelle Garraud, Michael Levy, Jean Quétier et Lucien Sève. L'historienne Rachel Holmes, les historiens Fabrice Ben-Simon, Jean-Numa Ducange, Jürgen Herres, Tristram Hunt, Eberhard Illner et Gareth Steadman-Jones. Voix, Catherine Boguet, Élie Concato, Gabriel Dufay, Laurent Lederer, Mohamed Rouhabi et Andrea Schiffer. Attaché d'émission, Sarah Godard. Traduction, Lou Elio. Documentation, Maria Contreras, Romain Couturier. Prise de son, Romain Lucquins et Alain Joubert. Mixage, Claude Niort. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. À demain, pour la dernière partie de cette grande traversée, Karl Marx pour l'avenir.